C'est fou de la scène émergente. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon le présente John Lennon dans sa chronique sur les mythes du rock Paul is dead. Et on est en pleine célébration de la 100e émission d'Assemblage requis. Maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées au 89.fm et moi c'est Mathieu Plante. Et moi c'est Kiwan et comme on l'a dit tout à l'heure, quelques secondes, c'est aujourd'hui la 100e émission d'Assemblage requis. C'est quelque chose ça, hein, 100 émissions là. Ça passe vite hein, quand même, il me semble que nos débuts c'était hier, en 1972 quand on a commencé l'émission. Ouais. Ouais, 31 août 1972 je pense. Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais c'est dans ces coins-là, il me semble. Aujourd'hui, on a réussi à débusquer dans les archives de C'est fou des extraits à travers le temps, à travers toutes ces années de radio qu'on a fait ensemble, toi et moi, Mathieu. Ah, les choses ont changé entre toi et moi. Donc, on a réussi à trouver quelques extraits comme ça à travers le temps qu'on va vous présenter au courant de l'émission. Et aussi, on a fait une petite sélection des meilleures publicités ou Autopromos, ouais, comme vous voulez, qui annonçaient les émissions de la journée. Vous savez, on fait ça tous les jours, une petite publicité qui annonce le contenu de l'émission. Et on a pris notre top des meilleurs. Donc, on en diffusera comme ça. À brûle pour point, saupoudré sur l'émission un peu. Voilà, sinon l'émission d'aujourd'hui va être sensiblement semblable normal. Aux autres. Ouais, c'est ça, c'est une émission normale. On va recevoir Simon Fitzbé dans environ une demi-heure, comme d'habitude, qui nous fait cette semaine la deuxième partie de la trilogie qu'il a entrepris la semaine passée. Donc la semaine passée, il nous avait parlé de la vie de Yoko Ono. Cette semaine, il nous parle de la vie de John Lennon. Et la semaine prochaine, il nous parlera de la vie des deux ensemble. On va le recevoir dans environ une demi-heure, mais pour l'instant, on écoute les trois accords avec Croquer des coups. À Assemblage requis. Au 89.fm. Personne ne doute que c'est une personne que tu t'habilles en bon père Sébastien. Les trois accords et croquer des coups à assemblage requis fois 100. Oui, c'est la centième. Ça, ça fera pas partie des meilleurs moments des 100 émissions d'assemblage requis, mais c'est aujourd'hui la centième émission d'assemblage requis. On va voir qu'il n'y a pas grand-chose de bon dans cette émission-là. Et on a quand même réussi, malgré tout, à trouver quelques trucs qui étaient les moins pires, je dirais. Ouais. Et dont, entre autres, une compilation. Là, parce qu'on aurait pu là, faire. On aurait pu passer des jours à trouver chaque petit extrait qui aurait été digne de mention, mais ça aurait été un peu lourd. Ouais, ouais, trop de job pour nous autres. Nous, on aime ça travailler facile. Ben, le chemin le plus court pour nous. Hein. Les gens qui écoutent l'émission régulièrement commencent sûrement à s'en rendre compte. C'est botché un peu. T'sais. On est très paresseux. Mm. Donc, on a décidé de faire une compilation des meilleurs teasers de l'émission. Donc, pour ceux qui écoutent jamais d'autres choses qu'Assemblage requis, assez honte fou, à vous, c'est vraiment dommage pour vous autres. Là. Vraiment, là, premièrement. Mais on fait toujours, à chaque jour, en fait, on fait un teaser pour l'émission du lendemain. Et ça, c'est diffusé dans les émissions précédentes, dans les émissions de la journée, dont, entre autres, On s'appelle et on déjeune le matin et Le dîner de cons, qui diffuse ce teaser-là. Mais ça, nous, on le passe pas ici parce qu'on est dans l'émission. C'est ça. Mais il y a quand même des fois des trucs qui se démarquent, je dirais, qui sont un peu plus drôles. Et on a choisi les meilleurs, en fait, dans ces capsules-là. Une des meilleures, c'est celle-ci du 7 janvier dernier. Ce jeudi, pour la dernière émission de la première semaine de la dernière année de la première décennie du premier siècle du troisième millénaire, on parle du plus récent numéro du Zone Campus avec le rédacteur en chef. Il me semble que ta partie est plus facile à dire. Tout ça à Assemblage requis, la quatrième émission de la journée et la 3750e depuis notre première en 1972. Pas pire, mais t'as oublié de dire que c'est à 15h. Chad Van Galen et Willow Tree dans Assemblage Requis, 100e émission. Oui, c'est important de le dire, hein, parce que sinon, pas tant de choses qui vont qui le rappellent aujourd'hui quand même. C'est pas comme si on avait fait faire un enrobage et tout pour dire genre Assemblage Requis, 100e émission. Ah là là là. Mais on a quand même des choses spéciales à vous présenter. Vous surveillez ça au courant de l'émission. Dans quelques minutes, hein, on a un beau flashback à vous présenter de notre toute première émission. Arrête-moi ça, pas l'émission qu'on a faite en 1972 pour débuter ça. Là, genre. Celle-là, tu t'en souviens encore. Hein? Ah, c'est comme si c'était hier, en fait. C'est vieux, c'est comme si c'était hier, en fin d'après-midi. Pour l'instant, on va retourner en musique pour entendre un petit peu de Polype. Et voici La peine en vaut le coup. On en perd ses pantalons et ses crayons. Et ses... C'est vraiment bon. Il voit là, puis il lâche tout à terre. Il est comme, wow! Wouhou! Puis là, tu sais, tu tapes ses fesses, puis, ah, oh, wow! J'ai déjà pris l'avion en rêve une fois. J'ai atterri le cœur en vrac au poids. J'ai entendu bailler la porte de secours. Et plus d'une fois j'ai songé à faire pas l'épée, la peine en vaut le coup. Assemblage requis, toujours la centième émission et on écoute toujours des petites publicités, des autopromos de l'émission qui ont eu lieu depuis le début de la session d'automne. C'est depuis ce temps-là qu'on fait des petites promos comme ça. Et un des thèmes qui revient souvent dans nos promotions, nos autopromos, hein, les publicités, les messages publicitaires, les annonces, les messages, c'est qu'on aime ça niaiser un petit peu nos chroniqueurs, comme dans cette capsule du 12 février. Ce lundi à Assemblage requis. Pour coïncider avec le changement de nom de la pilule du lendemain, Martin Bertrand parle du bonheur en pilule. D'ailleurs, on va aussi animer toute l'émission avec un suppositoire. Et pour nous aider à les enfoncer, Maxime Lemulaire. Shit, je sais pas si ça va être diffusable, celle-là. Ah, on me confirme que non, ça passe pas finalement. Puis hey, j'ai le docteur Paul Caca justement au téléphone qui est en train de me dire. Ok, Maxime, Mathieu, ça va être tout. Assemblage requis, aujourd'hui 15h. Souvenirs sont lointains. C'est comme, aussitôt que je dis quelque chose, 30 secondes après, je suis comme, qu'est-ce que je disais déjà? En tout cas, on vient d'entendre le nombre avec D.B. Cooper. C'est sur le palmarès, ça a été sur le palmarès francophone de C'est fou, oui. Mais inquiète-toi pas, Mathieu, moi aussi, quand tu me dis quelque chose, 30 secondes après, je me dis, ah, quoi, qu'est-ce que tu disais déjà? Ouais? J'ai vu venir. Je t'aime pas ma main, toi. Ça a l'air fou, hein. Donc, vous êtes à l'Assemblage Rocky jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu sur les ondes de Sifu 89 FM. Aujourd'hui, on célèbre notre 100e émission. C'est quelque chose de très, très, très gros pour nous, ça, là. Le célébrer, c'est un grand mot. Parle pour toi. T'as pas été chez Dollarama ou Dolodolo acheter des crécelles et des gazous et des Non, c'est ça. Mais moi, je voulais surtout qu'on achète de l'alcool, mais là, finalement, non, on n'a pas... Peut-être que Simon nous amènera un cadeau. Ah, peut-être. C'est nous qui devons faire les cadeaux chroniqueurs parce qu'ils viennent dans l'émission. Ouais, oui, puis ils le méritent vraiment. Tout à fait. Mais avant de continuer, avant de recevoir Simon Fitzbay, il nous reste encore un petit peu de temps à écouter du Vampire Weekend. Peut-être aussi une autre capsule bientôt. Après Vampire, ouais. Une petite capsule. Little capsule. Avec un bon verre d'eau. Verre d'eau? Capsule, un verre d'eau. Il y a une buvette. Côté. feel it coming. Me and my cousins, and you and your cousin. It's a line that's always running. Me and my cousins, and you and your cousins. I can feel it coming. Lundi, on vous défie d'écouter Assemblage Requis. Je vous fais mon compte-rendu du salon Dégustation Banane 2009. Hein, ta banane? Et Mathieu, dans sa chronique Décoration d'intérieur, nous explique comment utiliser ses vieux restes de table pour vous donner une peau d'apparence plus saine. Tout sauf ça à Assemblage Requis, lundi, 15h. Bonjour et bienvenue à la toute première émission de Assemblage Requis sur les ondes de 89.1 FM. Mon nom est Kiwan Rakovchinski et en compagnie de mon co-animateur Mathieu Plante, nous allons passer les deux prochaines heures ensemble. Merci Kiwan. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on va parler d'une invention révolutionnaire venue tout droit du futur qui permet de faire cuire des aliments en moins de 2 minutes et ce, sans source de chaleur directe, le micro-ondes. Ah ah ah, quel abruti ce Mathieu Plante, faire cuire le goulag en 2 minutes sans même la source de la chaleur. Nous allons aussi à l'émission recevoir la plantureuse Monique pour sa chronique Tupperware. Mais tout d'abord, on commence en musique avec le tout nouvel album de Depeche Mode. Donc voilà, c'était un extrait de la toute première émission hein, d'Assemblage Requis qui a été diffusée ici. Donc on est rendu à la 100e, on rappelle aux auditeurs. Aujourd'hui, c'est la 100e émission d'Assemblage Requis. Et ça, c'était la toute première qu'on a entendu. C'est un extrait, en fait, de la toute première. Évidemment. Donc, je rappelle au complet la première émission, là, quand non, même. Non, c'est ça. À cette époque-là, j'étais nouvel arrivant ici au Canada. C'est pour ça que j'avais un drôle d'accent. Et puis toi, ben, t'avais pas mué encore, étant donné que t'étais encore un bambin. Ça m'a pris beaucoup de temps à muer, moi, vous allez voir. Ben ouais, quand même. Mm-hmm. On écoute Galactic avec leur nouvel album Yakamai et la pièce Friends of Science, suivie de Beau Money. Assemblage Requis, 60. Well, good evening, my dear students. And of course, Friends of Science and those of the higher order. You're going to see me tonight as you have never seen me before. What we have here is just like something you may have at home, like your video recorder. Except it records impulses from brain waves. This can take from the section of the brain that gives talent, can actually take that talent and put it into the brain of another person. In fact, I'll show you how it works. You just put your head inside of this little tube right here. Oh, yes, it doesn't hurt, so just put your head in there. Yes, as a matter of fact. Okay, here we go. He'll be okay. Charlie, give him these pills. Put that in his pocket. Let's take him away. We'll be right back. Galactic et Bow Money. C'est de Friends of Science. Ce sont les deux premières pièces qui ouvrent leur nouvel album Yak May Galactic. C'est génial, c'est funky, c'est anglophone et c'est, ça ressemble à du funk anglophone. Et ça vient de jouer. Oui, c'est un fait, tout à fait. On pourrait faire une chronique là-dessus. Hein. Tellement d'adjectifs pour les décrire, hein, ce groupe-là, c'est incroyable. C'est ça, funk anglophone. On écoute un petit peu de Bravo Funkin dans quelques secondes avec la pièce Les Animaux. Tout à l'heure, on va recevoir Simon Fitzbé avec sa chronique pour les ailes. Mais avant ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'on écoute un autre petit teaser que Simon va particulièrement aimer? Je sais pas, c'est pour toi. Là. Ça te tente. Veux-tu? As-tu envie? Moi? Non, pas tout de suite. Tantôt. Tantôt. Ouais. La clé USB, c'est comme éjectée. Je sais pas. Aller sur la clé USB. C'est beau, hein? Ça aussi, ça résume très bien l'émission. Les moments inconfortables. Des gaffes de l'animateur. Ouais. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Et moi qui danse sous le vent, et toi qui chante tes poumons, on joue ensemble aux animaux. Griffe dans mon cuir et tes dents dures dans ma fourrure me font rire de plaisir. Et on fume écartelé un beau dimanche ensoleillé. Ce lundi à Assemblage Requis, Maxime Lemulerami nous fera ses suggestions musicales. Aussi, à ne pas manquer, absence complète de Simon Fitzbé. Oh, ça va faire du bien, ça! Assemblage Requis, lundi, 15h. Tu nous en voulais pas trop quand on a fait ça, toujours? Non, j'ai aimé, je me suis pissé dessus dans le studio. Ah, c'était ça, la flaque, le l'odeur soir. L'odeur aussi. Ouais, tout, l'odeur, ouais. C'était ça. Ah ouais. Je trouvais ça tellement drôle. Ouais. On accueille Simon Fitzbé, voici sa chronique sur les mythes du rock'n'roll, Paul is Dead. Ah, des fois on n'est pas fin avec, là, mais il prend pas mal parce qu'il est tellement good sport. Ben oui. Puis il sait qu'on l'aime en plus. Ben oui, voyons donc. Sinon vous me laisseriez pas entrer en studio, tu sais. C'est juste à aller chercher des clés à chaque fois parce que vous êtes barré, mais c'est correct. Là, c'est cool. En tant que tu ne laisses pas de marques sur les murs. Non, ben, ouais. Je fais juste tomber des panneaux moi, quand je suis ici. Ouais. D'ailleurs, je pense que je vais faire tomber celui en arrière de toi aujourd'hui. On les a vissés depuis. Hein. Ah. Ouais. Dommage pour toi. Eh oui. Ben, c'est pas grave. On fera pas de bricolage aujourd'hui. Pas de rénovation aujourd'hui, pas, Simon. Pas de rénovation. On fera pas de vibromasseur ou un débit. Est-ce que tu as deviné c'était quoi le mot derrière le bip, hein? Ben. On dira pas en onde, hein? Non, pense ben pas. Non. Pense pas. Avant de commencer, mon thème m'a fait penser à quelque chose. Les fans de Doctor Who, ça recommence à Pâques. Avec un nouveau docteur. Oui, un nouveau docteur. Une doctrice. Une série. Ouais, la compagnonne aussi est différente. Ouais, quand même jolie, mais elle a l'air jeune. Ben, ouais. Fait que c'est pas un reproche. Mais non. Jeune, genre, ben ça dépend, là. Si tu es jeune, genre 12 ans ou non, pas tant. Là. Non. Mettons qu'elle a une face de fille de 16-17 ans. OK, bon. Okay. Quand même jeune. C'est à la limite, tu sais. Ouais. Borderline? Borderline. Bon. Et aujourd'hui, ben, on continue. En fait, c'est notre deuxième semaine d'une série de trois qui sont consacrées à Yoko Ono, John Lennon et leur couple. Donc aujourd'hui, on voit un peu la fiche signalétique de John Lennon. C'est encore des faits, là. Il n'y a pas de texte comme tel. C'est déconstruit encore cette semaine. La semaine prochaine, je vous prépare par contre quelque chose de majestueux. Enfin, ah oui, tu mets la barre haute, là. Ben oui, peut-être un petit peu trop. En tout cas, ça va être un texte. Ça va être mieux suivi. Ça marche-tu, ça? OK. C'est bon. J'ai deux livres sur John et Yoko à la maison, donc je vais essayer de les mettre à profit. Tu liras pas les livres en ongles? Non, non, ben ça serait intéressant. Ça pourrait être une série d'émissions, tu pourrais appeler ça le John Lennon Show. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que vous aviez vu le film L'invention du mensonge? Pas encore, vous en avez parlé. Avec Ricky Gervais. Donc, oui, avec Ricky Gervais. Là-dedans, les gens peuvent pas mentir, donc ne peuvent pas inventer d'histoire. Donc, leur film, c'est tout simplement un gars qui est assis sur une chaise puis qui lit un livre. Ah ouais. Ça a l'air vraiment trippant. Les livres, c'est juste des faits historiques, c'est pas des histoires parce qu'ils sont pas capables de mentir. Wow, ben ça, c'est vraiment intelligent. Ce film-là, c'est vraiment génial. Faut le voir. C'est bien passé. Ça fait partie des très bons films à voir, entre autres avec Idiocratie et les autres films comme ça que je vous conseillerais à m'emmener. Je ferai Simon au vu à m'emmener. Ah, j'aimerais ça. Ah oui. Ben oui. Non, ça serait intéressant. Ça aurait du succès. Ah, ouais, peut-être. Donc, allons-y avec John Lennon. Plongeons-nous dans John Lennon aujourd'hui. Donc, son nom réel à John Lennon. Pas de jeu de mots. On ne prend pas la phrase au littéral ici. De plonger dans John Lennon. Mais non, c'est... Je me suis retenu, mais je pense que j'ai dit tout haut. De me retenir pour pas dire quelque chose parce que t'as dit plongeons dans John Lennon. Ah, t'avais un jeu de mots? Non, je voulais juste pas faire référence à ça. Okay. Je pense que c'était juste des grossièretés. Là, c'est ça. Pas vraiment un jeu de mots. OK, là. Bon, tant pis. Une autre fois alors. Alors, donc, son nom réel à John Lennon, c'est John Winston Lennon. Donc, il est né le 9 octobre 1940 à Liverpool, en Angleterre, pendant un bombardement allemand. Ça, c'est très intéressant. Donc, son père se nomme Freddie, ou plutôt Alfred Lennon, et sa mère Julian Lennon, né Stanley, donc Julia Stanley après quelques années. Donc, il a le même prénom que son grand-père, qui s'appelait John aussi, et son nom était Jack. Et Winston, en fait, c'est pour... John, son nom, c'était Jack. Ouais. Et Jack, son nom, c'était John. Probablement. Je sais pas, mais c'est vraiment mes sources confirmaient que son nom, le surnom de son grand-père, c'était Jack. Eh ben, bizarre. Et donc... Donc Winston, son deuxième nom, c'est pour en hommage à Winston Churchill, qui était alors premier ministre d'Angleterre et un des leaders des Alliés dans la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'il est né, en fait, il fallait qu'il se rende à l'hôpital et c'est sa tante Mimi qui conduisait la voiture et... sa mère est en plein travail à John Lennon. Et elle se guidait, sa tante qui conduisait la voiture, grâce à la lumière créée par les explosions. C'est en plein bombardement, donc aucune lumière, plus d'électricité. Et ils se sont guidés donc en voiture grâce à la lueur des explosions. Et ils ont été quand même chanceux de ne pas se faire happer en quelque part par une explosion. Et lorsqu'il est né, ça je l'ai dit. Son père était marin, il quitte la maison familiale fréquemment tout en gardant autant le contact avec sa famille ainsi que les besoins financiers en main. C'était lui qui emmenait l'argent quand même à la maison. Par contre, à un moment donné, il a arrêté tout simplement de servir de pourvoyeur pour sa famille. Donc en 1943, il a passé un an sans rien envoyer, sans donner de nouvelles. Donc la mère de John Lennon, Julia, s'est mise à fréquenter d'autres hommes. Et lorsqu'il est revenu, en fait, il voulait prendre... non pas le contrôle, mais la garde de John Lennon, son fils, et sa mère Julia a dit non, ça se passera pas comme ça. Elle était enceinte d'un autre homme, et donc voyant ça, sa tante Mimi, dont son vrai nom est Elisabeth, a déposé une plainte devant les services sociaux. Quoi? Oui, mais les Anglais, c'est le même. Ils, hein? ils se donnent des noms bizarres. On ne sait pas pourquoi. Des surnoms sont vraiment ordinaires. Oui. Simon alias Samantha. Tu sais. Ouais, ça pourrait être ça. Ouais. Hey, c'est beau comme nom. Ça. Ben, c'est drôle parce que moi, d'ailleurs, mon vrai surnom, c'est quelque chose qui n'a pas rapport partout avec mon nom. Mais on va passer à d'autres choses. Est-ce que c'est Chunky Soup Lover? Non, c'est non. Monty. Monty? Ouais. Parce que tu aimes peser sur des pitons. L'histoire est trop longue. Je pourrais faire une chronique avec ça. Une autre fois. Ouais. Donc, j'ai un surnom anglais. Mais, oui, sa tante Mimi, Elisabeth, dépose une plainte devant les services sociaux à cause de la situation assez bizarre donc, dans laquelle le jeune homme était donc il était dans la soupe chaude, en fait, avec ses deux parents. De la chunky soup. Oui, dans la chunky soup, exactement. Et avec les bonnes palourdes. Homme du Maine. Oui. Et donc, la garde est confiée à ma tante à l'âge de 4-5 ans, donc à cause des folies de sa mère et du père qui était trop absent. Par contre, à 5 ans, son père l'enlève et voulait l'emmener avec lui en Nouvelle-Zélande. Heureusement, plutôt, Julia Stanley, donc, les rattrape et doit choisir, John, à 5 ans, doit choisir entre sa mère et son père. Oui. Ouais. Il aurait aimé choisir son père, mais il n'était pas capable de laisser sa mère seule. Il savait que c'était une femme qui avait besoin de support et qui n'aurait pas nécessairement survécu donc au départ de son fils et donc il a décidé de rester à Liverpool mais chez sa tante toujours. Par contre, sa mère donc était toujours proche de lui malgré tout. Et donc il est parti habiter à Woolton qui est un autre quartier de Liverpool chez sa tante et son oncle oui, donc Jacques Demers sort de ce corps. il reste toute son enfance, aller jusqu'à son adolescence chez sa tante. C'était un quartier quand même assez huppé. Il vivait pas dans la ouate, mais quand même assez bien. Et donc, il s'intéresse à la littérature quand il est jeune. Il écrit des chansons et invente des histoires également. Il fait beaucoup d'humour et même du surréalisme lorsqu'il était jeune. Donc, il avait déjà une pensée assez grande, une imagination assez florissante. Donc, ça va pas bien. Trop de soupe. Trop de soupe, c'est ça. Ça reste pogné dans la gorge. Mmh, ouais. Donc, sa mère est présente malgré qu'elle n'ait pas la garde. C'est elle qui apprend à jouer du banjo. Elle jouait du banjo, elle, donc elle l'a montré à son fils. Et il va même commencer à jouer de la guitare. Donc, c'est sa mère qui en offre une en 1957 pour son anniversaire. Et donc, il accordait une guitare, ça a 6 cordes. Et un banjo, ça a 5 cordes. Donc, lui, il accordait seulement 5 cordes de sa guitare en laissant le mi tout seul. Là. Il voulait rien savoir de cette sixième corde, ça ne servait à rien. Par contre, cette sixième corde-là va lui servir à rencontrer Paul McCartney. Mais ça, on va y venir un peu plus tard. Donc, il fréquente le collège de Quarry Bank entre 1952 et 57, qui est quand même une école assez bien. Il faut dire, en Angleterre, toutes les écoles sont généralement bien. Ressemblent beaucoup à des collèges privés qu'on a ici. Il se fait remarquer par son humour et ses talents de dessinateur. Voilà le mot que je cherchais, je suis fatigué. Non, j'imagine. Il écrit des bandes dessinées pour ses élèves, pour les autres élèves du groupe. Et sa mère, malheureusement, décède le 15 juillet 1958. Alors qu'elle revenait d'aller voir John, elle se fait happer par un policier sous qui n'était pas en service. Donc, gars venait de finir sa job, il est allé sous la gueule, puis il est parti en char. Ouais, mm-hmm. Très, très intelligent. Mm-hmm. Et la mort de sa mère le plonge dans un mutisme qui manifeste. Donc, de ça va sortir une ironie qui devient sa marque de fabrique. Et justement, pour couper, mettre une petite pièce musicale, on va l'entendre la pièce Julia des Beatles que John Lennon a écrit 10 ans plus tard, en 1968. Ça paraît sur l'album blanc. Et donc, c'est une pièce hommage à sa mère, une des nombreuses qu'il a écrit. Half of what I say is meaningless. But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Julia, her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me, so I sing the song of love. Sing my heart, I can only speak my mind. Merci. Calls me, so I sing a song of love for Julia, Julia, Julia. Ça donnait vraiment l'impression que la pièce était finie quand on parlait. Mais ouais, mais bah. Ouais. Bah. Bon, on a participé à une des pièces des Beatles. Et voilà, hey, on est rendu des vedettes. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. C'est Crazy Matt. Non. crazy, crazy, crazy. Mais on vient d'entendre la pièce Julia des Beatles, pièce qui paraît sur l'album blanc en 1968. Donc, John Lennon qui a écrit cette pièce pour rendre hommage à sa mère qui est décédée le 15 juillet 1958, happée par une voiture conduite par un policier sous. Incroyable ça. Très joli. Je sais pas si l'album blanc est rendu un petit peu jaunâtre maintenant, à cause du soleil surtout. Là. Dans les vieilles versions de 68. Ouais, ouais probablement. Ben, juste avec. À l'époque, tout le monde fumait. Hein. Donc, si t'avais un album qui était blanc et quand même, tu le laissais juste un an ou deux sans protection, tu pouvais facilement devenir jaune, au moins dans les coins. C'est ça. C'est comme les poumons de ce temps-là aussi. Ouais, ouais. Exactement. Mais il y a beaucoup de monde qui a arrêté de fumer, au moins. Bravo. Ben, ouais. Bravo. Yep. Voilà. Et donc, on écoutait cette pièce-là dans le cadre de Paul is Dead, consacrée à John Lennon, dans le cadre de la centième. Hein, je ne vous avais pas félicité. Félicitations pour votre centième d'Assemblage requis. Merci. On a accompli beaucoup en 38 ans, c'est ça. Ouais. Et ma chronique qui dure depuis 25, c'est déjà bon. Oui. On n'a pas réussi à retrouver l'extrait de ta première chronique en 1979-18. Le calcul mental est difficile, ouais. Ça va pas bien, hein. Mais, mais c'est dommage. Ouais, désolé. Non, de toute façon, dans ce temps-là, la radio n'existait pas. Ça fait tellement longtemps. Mais oui. On écrivait cette émission-là sur du papyrus. Oui, c'est ça. C'était des chroniques retranscrites par des moines copistes. Ah ouais. Ceux qui le voulaient. C'est ça. Et ceux qui pouvaient lire, parce que dans ce temps-là, pas tout le monde lisait. Ben non. Les ancêtres de Jacques Demers. Oui. Salut, Mayo. Donc, oui, voilà. Salut, qui? Ah, c'est Salut Maillot. C'était un personnage de Jacques Demers qui devait être sur une autre station. Par un duo d'humoristes assez plate. Ah. Qui font des personnages pas trop fidèles à... Disons que cette description-là colle à beaucoup de duos d'humoristes que je connais. Mais ouais, taisons-nous et continuons. Voilà. Donc, John Lennon qui perd sa mère en 1958, mais forme en mars 1957 les Quarrymen avec Eric Griffith, Pete Shotton, Nigel Wally et Evan Vaughan. Ou plutôt Evan Vaughan, parce que Vaughan, ça se dit pas. À ce qui paraît. Les Quarrymen, pourquoi? Parce qu'ils viennent de Quarry, l'école prestigieuse à laquelle ils allaient. Et le 6 juillet 1957, un certain Paul McCartney se présente à un des concerts des Quarrymen dans un parc. Il se rend rapidement compte que le leader de la formation joue uniquement sur 5 cordes et que la 6e corde est désaccordée. Il demande donc à rencontrer et accorde sa corde demi. Et il se joint ensuite aux Quarrymen et l'histoire rocambolesque des Beatles débute malgré que le père McCartney voyait Lennon comme une mauvaise influence pour son fils. À ce qui paraît. Mais bon, ça a quand même fait un méchant bon duo. Et donc, oui, en plus, c'est ça, John Lennon, en fait, Paul McCartney accorde la guitare de John Lennon parce qu'à cette époque-là, selon en fait les dires de Paul McCartney, c'était assez dur déjà d'apprendre à jouer de la guitare. Paul a déjà avoué en fait avoir traversé la moitié de la ville juste pour apprendre à jouer un petit accord. Donc, parce qu'il y avait un gars en quelque part qui connaissait cet accord-là, donc il est allé pour le rencontrer, il a montré l'accord et il a appris son accord de 6-7 là. Voilà. Tu connaissais pas encore iTunes puis YouTube pour aller sur ça? Ben, il y avait pas encore ça, je pense, dans ce temps-là. Je te crois pas. Ben, sauf que tu sais, il devait avoir au moins des livres de guitare qui étaient écrits en quelque part, mais les autres, non. Il allait apprendre chez le monde. Ça a l'air. Eh ben. Et donc, dans le même temps, John Lennon fréquente maintenant l'Art College de Liverpool. Donc, en 1958, il débute donc ses études collégiales dans le milieu de l'art. Et il se lie d'amitié avec Stuart Sutcliffe, qui est un de ses amis, qui est également un artiste. Et donc, il rencontre aussi Cynthia Powell, qui allait devenir sa première épouse. Donc, il se montre insolent et inattentif dans les cours, au point d'être refusé par certains enseignants. Et après avoir échoué un examen, il décide de quitter l'école avant la fin de son année, ce qui choque vraiment beaucoup sa tante Mimi, dont le vrai nom est Elisabeth. Oui, on s'en rappelle. Oui. Et donc, il jouit d'une autorité certaine, par contre, sur les membres des Quarrymen, grâce à son âge et ses excès également. Donc, Paul McCartney, il déclare, en fait, on admirait tous John. C'était le plus âgé d'entre nous et plutôt le chef, donc, puisqu'il était plus vieux. C'était l'esprit le plus vif, le plus intelligent de tout ce genre de choses. Donc, John était le leader très, très fort des Quarrymen. Et donc, son look, le look, en fait, des Quarrymen à l'époque, mais celui de John Lennon également, est influencé par Elvis Presley et Marlon Brando, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de lichage de cheveux, des côtes de cuir, l'allure rebelle de cette époque-là. En 1958, McCartney convainc d'inclure son ami George Harrison dans le groupe. Donc, John Lennon n'était pas sûr, par contre, parce qu'il trouvait qu'Harrison était quand même assez jeune. Et entre autres, lorsqu'il allait au cinéma avec Cynthia, sa femme, la fille, en fait, qui allait devenir sa femme, qui était sa copine à l'époque, Harrison le suivait comme d'une rue de différence. Il tournait le coin, Harrison les suivait, se cachait. Donc, il trouvait un peu bizarre parce qu'il admirait beaucoup John Lennon d'être le guitariste et le chanteur qu'il était, dans le petit milieu de Liverpool. Et donc, il nomme par la suite, il change le nom des Quarrymen pour les Silver Beetles, avec deux E, par allusion au film L'équipée sauvage. Oui, puis en 1960, les Beatles, perd son E pour le remplacer par un A, puisqu'il était influencé par la Beat Generation. Dans le fond, c'est un jeu de mots, c'est comme l'ancêtre de mes célèbres jeux de mots, ça, là, Beatles. Effectivement. Hein? Ouais. Hey, t'as de la descendance avec les Beatles. T'es cœur, hein? On pourrait m'appeler Mathieu alias Ringo. Oh! Ben là, Ringo, tu n'as pas beaucoup de prestige. C'est une insulte pour lui. Là. Ah non, je pensais plus pour toi. Ah. Es-tu capable de jouer de la batterie? Non. C'est pas grave, c'est pas vrai. T'es comme Ringo. C'est ça. Ah non, Ringo, il est bon en batterie. Je suis capable de changer les batteries. Capable de changer. Ouais, des batteries dehors. Dans mes gadgets et tout. Ouais. T'es au moins capable de jouer de la batterie à Rock Band. Non, vraiment pas. Sérieusement. Non, vraiment, vraiment pas. C'est la pédale qui m'agace. Tu ressembles de plus en plus à Ringo. Et voilà. Mais non, mais t'es plus drôle que Ringo. Malgré qu'il avait un bel humour. Mais pas autant un beau clotier. OK, merci. Ça flatte l'ego, là. Oui, j'ai besoin de ça aujourd'hui, moi. Merci. Et donc, il était très influencé également par le répertoire rock'n'roll de l'époque. Et le jeu est très agressif, le jeu des Beatles, Silver Beatles. C'est un peu confus au niveau des changements de nom. C'est tout le temps un peu difficile de suivre dans l'histoire des Beatles. C'est comme une émission de radio qui change de nom. Ouais. C'est dur à suivre. Ça, le matin. Hein? Tu peux me demander d'arrêter de t'interrompre aussi. Là. Ça me dérange pas. Non. Ça me fait plaisir. OK. Et donc, il était influencé par le répertoire et il quitte Liverpool pour faire leurs armes dans les boîtes de quartier chauds de Hambourg en Allemagne. Et John est facétite pendant ses concerts. Entre autres, il arrivait, il pouvait dire « My name is John, I play the guitar and sometimes I play the fool too. » Donc, je suis John, je joue de la guitare et des fois, je fais l'insolent. À cette époque-là, les Anglais, en fait, tout le monde en général, jouer l'insolent, c'était quelque chose de rebelle. Uh-huh. Ça a changé un peu, mais... À peine. Dans ce temps-là, c'était... En tout cas. Et donc, sa tante Mimi est terrifiée par ce voyage-là. Elle voulait pas qu'il y aille. Elle le supplie de reprendre ses études. John n'avait rien à faire de ça. Il voulait devenir un artiste. D'ailleurs, il y a une légende qui dirait que après que les Beatles aient vendu leur... En fait, aient publié leur premier album, il serait allé voir sa tante qui lui avait dit un jour « Tu feras jamais d'argent avec la musique ». Il avait fait une petite plaque. Il a dit « Tiens, mets ça sur ton mur. Rappelle-toi toujours que tu m'as dit ça pendant que moi, je vais aller faire des concerts et faire des albums et gagner de l'argent. » Et donc, pour terminer un peu, parce que je veux pas me lancer dans les Beatles, c'est trop gros donc pour une chronique de ce genre-là. C'est plus John Lennon qu'on focus. Et donc, dans les années 60, 1963-64, il se met à écrire. John Lennon était aussi un écrivain. Il a écrit deux livres dans la même année, « In His Own Right » ainsi que « A Spaniard in the World ». Donc, « In His Own Right », qui est un recueil à la fois... Ben, en fait, les deux livres sont des recueils d'histoires, de dessins, de poésie. Donc, c'est assez... pas trop mal. D'ailleurs, j'attends toujours de pouvoir mettre la main sur une copie de In His Own Right qui contient des textes franchement très bien faits. Il y avait une très belle poésie dans son écriture, entre autres avec les chansons, mais également sur papier. Et donc, voilà, il rencontre également Bob Dylan en 1965, qui est une grande influence pour lui. Et Bob Dylan également a eu une grosse influence de la part des Beatles sur lui-même. Donc, il s'est mis à jouer de la guitare électrique par la suite. Et bon, c'est Bob Dylan qui aussi leur a fait connaître à tous les Beatles la marijuana, qui a été important également dans le processus d'écriture de John Lennon ainsi que dans sa vie. D'ailleurs, l'anecdote est que Bob Dylan est arrivé à eux, donc je pense que c'est dans une chambre d'hôtel, dans une réception. Et donc, il est arrivé, il a sorti un joint de ses poches, il a dit « Est-ce que vous voulez fumer? » Là, il dit « Ben, on n'a jamais touché à ça. C'est-tu ce qu'on pense? Ouais, c'est ce que vous pensez. » Il dit « Ah... » Il dit « Ringo, viens ici, tu vas l'essayer en premier. » Ils ont fait l'essayer en premier, voir qu'est-ce que ça donnait. Puis après ça, quand ils ont vu que Ringo était correct, bien, ils l'ont fait par la suite. Bon. Ouais. Mais à ce qui paraît, Ringo était pas très, très bien traité dans les Beatles. Ça, c'est... j'ai appris ça en fin de semaine. C'est comme le Maxime le Mularamé du moment, ça. Ouais. Mais Ringo, lui, il aimait pas ça entendre son nom tout le temps à radio. Oh. Ça le dérangeait pas vraiment. Il voulait s'ouvrir un salon de coiffure, Ringo Starr. Après, il pensait que les Beatles allaient durer 2-3 ans. Lui, il allait se recycler comme coiffeur. C'est une référence en coupe de cheveux, lui. Ah oui. Vraiment? Un bol. Clip, clip, clip, clip. Ouais. Ouais, la mode top. J'aime ça quand je pensais de réussir à pas faire ce que je viens de faire là sur la musique. Ben, voyons donc. Ça paraît même pas. T'as... Tu l'aurais pas dit, ça aurait pas... Mais c'est moi, tu sais. Ah bon? Faut que je fasse référence à mes erreurs, sinon... On s'améliore pas. Et voilà. T'es déjà trop perfectionniste, donc t'imagines... Change de sujet ou... OK. Donc, par la suite, voilà. C'est pas mal ce qui termine plutôt. La fiche signalétique de John Lennon. Et la semaine prochaine, là, ça va être l'histoire de John et Yoko du début à la fin. Je vous avais mentionné la semaine dernière qu'en 1967, ils se rencontrent pour la première fois. 68 commence à se fréquenter pas mal plus sérieusement. Et on va découvrir le tout la semaine prochaine. Ça va être un peu plus chargé comme chronique. Préparez-vous. On va être prêt. Yes, on va parler de tout nu, on va parler de plein d'affaires. On va parler de gens tout nus. Ouais. On va se préparer en conséquence. C'est ça. On s'amuse. Ah, vous allez enlever le haut en plus du bas parce que, tu sais, vu qu'il y a un bureau, vous mettez pas de culotte. Ben, ça sert à rien, tu sais. Ben, non, tu sais. Comme Bernard de Rome aussi fait ça, je pense. Ouais. Ouais. Non, moi, le matin, je suis tout seul. J'étais à la radio. Pas habillé. Ça sert à rien. Mm. C'est comme ça que tu fais tomber les panneaux. T'enlèves les vêtements, tout ça. Ben, là, c'est ça, c'est en les garochant que ça tombe. Eh. Hey, j'avais une pièce pour terminer. Oui, tout à fait. C'était la pièce « Oh Yoko », justement, qui va nous préparer la semaine prochaine. J'avais momentanément oublié le nom de la pièce. En fait, c'est « Oh Yoko », qui se retrouve sur « Imagine ». Et c'est une ode, donc, à sa femme, bien sûr, qui l'a fait paraître en 1973, en tout cas, dans ces années-là. Et donc, une très bonne pièce que j'ai redécouvert et que j'ai réappris à aimer. Je l'aimais pas, cette pièce-là, avant, mais je la trouve très bonne maintenant. Merci. Ça fait plaisir. On te retrouve le matin entre 7h et 9h, du lundi au jeudi pour On s'appelle et on déjeune, les lundis soirs à 18h pour Krautrock et les vendredis matin à 10h pour Album classique. Ouais. Et mercredi prochain. Oui. Oui. Puis en quelque part dans l'université tout le temps, je me promène, je travaille, je fais des choses. Cherchez-le. Cherchez, vous trouverez Simon Fitzbé, hein, ce slogan. Vous allez gagner des billets pour une conférence. Ouais. Si vous le trouvez. C'est ça. 1988. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky, votre émission du retour en compagnie de Kiwan Rakovchinski et de Mathieu Plante. Merci Kiwan. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on va parler d'une autre invention révolutionnaire venue tout droit du futur qui permet de communiquer des informations partout à travers la planète, en direct et en temps réel, l'Internet. Ha ha! Quel abruti, ce Mathieu Plante, communiquer des informations sans même le téléphone. Aussi, dans sa chronique cinéma, la séduisante Manon nous parle d'une étoile montante du cinéma, Michael J. Fox, et son tout dernier film, Retour vers le futur. Mais tout d'abord, on commence en musique avec le dernier single de Samantha Fox. Bon, là, ça a beaucoup changé en si peu d'années, je trouve. C'est vraiment une progression marquée. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. C'est, j'ai beaucoup voyagé aussi à travers tout ça, à travers ces 100 émissions d'Assemblage requis. L'été, je retournais dans mon pays à cette époque-là. C'est pour ça que j'avais une voix quand même différente. Mais toi, tu vois, de 16 ans après la première émission, t'avais toujours pas mué. Toujours pas. C'était sur le bord. Ouais, ça s'en venait quand même, là, ouais. On verra tantôt voir si ça a changé tant que ça. Oui, on a une autre époque de l'émission à vous présenter. On vous rappelle que c'est la 100e émission d'Assemblage requis. Aujourd'hui, on se rappelle toutes les époques et les différents styles que l'émission a eu au travers des 38 dernières années. C'est de la nostalgie, on se gratte la barbe comme ça. Ah, dans le bon vieux temps. Eh oui. Monogrenade, tout de suite à Assemblage requis. Étrange, que je Monogrenade avec la pièce ce soir, c'est un extrait du palmarès francophone. Et Monogrenade participe au Francouverte cette année. Et c'est eux qui, depuis leur prestation, depuis plusieurs semaines, en fait, détenaient la première position du palmarès provisoire, en fait, du classement provisoire pour les semi-finales, les demi-finales des Francouvertes. Et là, ils se sont fait déloger cette semaine de leur première position, mais ils sont quand même assurés de passer en demi-finale parce qu'il reste deux soirées, donc il reste deux rondes préliminaires, donc six artistes au total. Ils sont deuxièmes présentement, donc c'est les neuf premiers qui passent en demi-finale. Donc Kaloun Saloun, qui sont présentement en première position, Monogrenade et l'Ours sont assurés de se retrouver en demi-finale. Et sinon, le reste pourra changer. La semaine prochaine, dans la prochaine vague de préliminaires, les groupes qui vont être là, les artistes qui vont être là, c'est Max Richard, Violette Pie et Bernard Adamus. Oh! D'ici la fin de cette 100e édition de l'Assemblage Requis, on va avoir un beau concours pour vous. On va vous donner 20$ chez Yuzu Sushi, en plus de la conférence, deux billets pour la conférence de Ring de la Vie qui a lieu le 24 mars prochain. Mais ce n'est pas tout de suite, c'est tantôt. Avant ça, on écoute une autre superbe autopromo, une des meilleures de nos 100 émissions jusqu'à maintenant. Là. Des fois, on aime ça jouer sur les mots, comme dans cette capsule du 17 novembre. Ce mardi à Assemblage Requis, les mythes du rock'n'roll se font mythes du rock'n'rollé par Simon Fitzbay. L'air se fait remplir par Émilie Gauthier dans sa chronique plein air. Et la chronique technologique CNX se fait chronique technologique CNXC. Tout ça aujourd'hui, 15h. Nitrogène ou Valium, des enfants spéciaux avec des pensées spéciaux. Hello, si tu es au multitask, il faut que tu pick up le check avec une face comme ce sec. Au moins ma mère trouve que je suis cute, à même ramener si je ferais mute. Au lieu de mutiler des mots, où je pourrais faire un TV show. Des enfants spéciaux, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis, où je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. C'est pas notre faute, c'est pas notre faute, c'est même la terre nous en fait. So why no word, c'est ça que je t'ai invité. Ma qui moi je suis, ma qui moi je suis, ma qui moi je suis, ma qui moi je suis pour dire tout ça. Ben c'est rien que des histoires. J'en contre yen, ta contre yen, pis j'irai danser dans le noir. Jusque tout ce que tu vois est point vraiment là. Ma échec, tu sais, parce que je sais que t'es spécial comme ça. T'es un enfant spécial, j't'aime bien jusqu'à là. C'est point ma faute, c'est point ta faute, ma jalon fort de l'état. Ma qui moi je suis pour dire tout ça, c'est bras. T'es j'en fous comme n'est pas la piche avant point. Jusque la place qu'il faut aller pour trouver back, c'est ce lien. J'ai dit fun dans un fun 3 ans, puis j'marche partout mes pieds. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis un enfant spécial. Moi je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. Ouais, je suis un singe, je suis un roi, je suis un coureur de bois. Je suis un capitaine d'un bateau, je suis Jésus sur la croix. J'suis un homme, j'suis une femme, j'suis un grand pépin bébé. J'suis un enfant spécial, c'est ça que ma mère m'a pété. J'suis millions d'affaires qui se promènent pendant des millions d'années. La poussière de lundi m'arrive chaque année en sorcier. J'suis un pauvre, j'suis un riche, j'suis un coucher d'un caniche. J'suis un clean cut, bref un hippie avec une barbiche. Y'a toi pis moi j'suis toi, on est deux petits chinois. 100% du temps, on est mille fois plus qu'on croit. Et j'jump d'une planète à l'autre, toujours après me moquer. De l'énergie qui déborde, moi j'peux me laisser m'emporter. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi j'suis, je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi j'suis, toi t'es un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi j'suis, moi j'suis un enfant spécial. Moi j'suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi j'suis, toi t'es un enfant spécial. Radio et enfant spécial à Assemblage Rocky. Faut pas être trop pointilleux sur la grammaire hein, pour écouter quand même. Non, des chevals. On est des enfants spéciaux. Ouais, c'est une des très bonnes pièces, j'adore cette pièce de leur nouvel album Bel Mundo Regal. On est pas le gars dedans pareil, c'est bien parlé nous autres. Non, ici non, vraiment pas. Si on écoute un petit peu l'émission là, tout le monde là. Voilà, pour Radio. Quoi neuf? Qu'est-ce qui se passe ce soir bientôt? C'est quand? Ben, ce soir, il y a une partie du lancement de l'album, la compilation trifluvienne « Aid Up ». Donc, c'est une série, il y en a plusieurs, ça, c'est la huitième, comme le titre l'indique. Ça a été « One Up, Two Up » jusqu'à « Aid Up ». Non, je ne sais pas s'il y en a vraiment huit ou si c'est vraiment parti à un. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y en a eu plusieurs. Et là, on est rendu à « Aid Up ». Et ce soir, donc il y a une partie du lancement qui se fait ce soir, une partie qui se fait demain, donc ça se fait sur deux soirs, c'est à l'Embuscade, quatre groupes par soirée. Ce soir, il va y avoir Valsalva, Hard Day's Night, et je pourrais te dire ça dans quelques instants, mais nous, de toute façon, on va écouter le groupe A Hard Day's Night, qu'on a déjà reçu ici en entrevue, qui est un jeune groupe, hein, ça fait pas longtemps que ça existe, ils sont vraiment physiquement jeunes aussi. Et habillés en fluo aussi. Parfois, ça arrive. Mais ils font quand même pas mal de spectacles. Ça fait plusieurs fois cette année qu'ils font des spectacles ici à Trois-Rivières. Donc, ils vont faire partie du lancement ce soir de la compilation Aid Up. Donc, on va écouter une pièce de Hard Day's Night tout de suite. Ça s'appelle Over It à Assemblage Rocky. Mm-hmm. Retour à un autre moment nostalgique des 100 dernières émissions d'Assemblage Requis. Restez avec nous. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, comme un ballet. 1999. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et de Mathieu Plante. Aujourd'hui, à l'émission, dans la chronique technologique CNX, je vous parle du plus grand événement du millénaire. Il faut absolument pas que vous ratiez cette chronique-là. Ça pourrait changer votre vie. Ça va vraiment, ça va être la fin du monde. On va tout passer au cash, Kiwan. Faut que tu m'écoutes. C'est le bug de l'an 2000. Faut pas oublier ça. Alors, d'habitude, je trouve toujours ces chroniques ridicules, mais j'avais eu tort avec Internet et le four micro-ondes. Donc, cette fois-ci, je vais te prendre au sérieux, Mathieu Blanc. Aussi, dans sa chronique voyage, Marie-Ève nous parle de sa visite des tours jumelles de New York. Mais on commence l'émission en musique avec tout nouvel extrait de la formation alternative Okoumé. Hey, ouf. Tu parlais bien, par exemple. Ouais, j'avais appris à parler français à cette époque-là et toi, t'avais mué, finalement. Finalement, ça finit par... Mais c'est triste, hein, quand même. Tour jumelle. Non, mais là, c'est... Ça date de 99 quand même. Mission au hasard, on a choisi de même. Donc, on vous rappelle qu'on est dans la, on est à la centième émission aujourd'hui d'Assemblage Requis. On se rappelle un peu toutes nos époques. Souvenirs. Les meilleurs et les pires. Tantôt, il y en aura d'autres souvenirs, vous allez voir. Mais avant ça, on a un concours pour vous, quelque chose de vraiment bien. Là, ça, c'est vraiment quelque chose de gros qu'on vous donne. On vous donne un certificat cadeau de 20$ chez Yuzu Sushi. C'est super bon. Donc, vous nous appelez tout de suite si vous voulez des sushis. 819-376-5183. 819-376-5183. Voici Bernard Lamus. J'ouvre les yeux, pis j'vois Saint-Pierre, tu pointes toi et deux biens, ils sont dans la glacière. Pis il me dit, hey là, viens ta mort, petit gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, j'vois rien ici, mais j'attends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, pis le PD, j'ai dit CNN. J'me dis, hey là, ils vont-tu me dire tout haut ce qui passe tout bas? Ouais, parce que j'ai une faim de loup. La waitress, ça me fait du doux. Mais je check comme faux, pis je comprends pas. Elle a la face à Mandela. Pis je me dis, hey là, il se passe quelque chose ici, on me le dit pas. Ben Laden mange des frites, il est en chasse à Swift à l'eau bénite. Pendant que dit Jésus, c'est toi, y'a les fans. Mandela suçait sa graine, pis je me dis, hey là. Passe quelque chose et cette moi je m'en vais de là. Sans les 14 après les ordres, ça prend le blabla faire un monde. Je me dis, hey là, ils vont poigner des guns, shooter dans le top. J'aboutis, je toquais des brumes, moule bleu, il me sert pas de la table. En haut du bar, je vois une pancarte, vide la place avant que tu partes. Bernard Adamus avec la pièce Cauchemar de course, c'est un extrait du palmarès francophone de C'est fou. Depuis le début de l'émission, cette 100e émission d'Assemblage requis, on fait jouer certaines de nos meilleures publicités auto-promotionnelles de l'émission du jour. Et on disait tantôt qu'on jouait avec les mots des fois. Des fois, on joue aussi avec notre façon de parler, comme dans celle-ci du 20 octobre. Ce mardi à Assemblage requis, on analyse les mythes du rock'n'roll avec Simon Fitzbay. On parle plein air avec Émilie Gauthier. La chronique technologique CNX. Et on va finir toutes nos phrases comme ça. Assemblage requis, aujourd'hui 15h. Yes. Seule nouvelle entrée du palmarès anglophone, ici assez fou, c'est celle de Pinecones. La pièce Sage, c'est la pièce titre de leur album, The Pinecones. Et en passant, le palmarès assez fou, c'est mercredi et jeudi entre 13h et 15h. Et ça rejoue vendredi, Kiwan, si jamais t'as raté l'émission d'aujourd'hui, t'es occupé aujourd'hui. Donc, ça va être vendredi entre 17h et 20h que ça rejoue. Parfait, c'est noté. On célèbre toujours la 100e émission d'Assemblage requis. Hein? On s'applaudit, on se donne des petites tapes dans le dos et on se dit « Wow, quel gros job en autant de temps! Hein? » Ouais, si jamais ça vous tente, si vous avez manqué tous les petits retours en arrière qu'on a fait dans l'émission, il faut toujours aller réécouter l'émission au complet au assemblagerequis.com ou vous pouvez passer par... Ou j'imagine aussi qu'il va y avoir certains meilleurs moments et peut-être qu'ils vont être diffusés vendredi. Mais oui, mais quelle bonne idée tout ça. Les meilleurs moments de C'est fou sont diffusés les vendredis matin à 6h30 et les samedis à 14h. Donc voilà. Et là, ben, pendant ce temps-là, nous, on écoute depuis le début de l'émission des autopromos, là, certaines de nos meilleures publicités qui annonçaient le contenu de l'émission du jour. Si on fait ça à tous les jours, nous, comme ça, après l'émission, on s'en va gambadant, main dans la main, puis là, on saute. Puis là, on va faire une petite pub. Puis là, Simon la joue le matin, puis Danny la joue le midi, puis tout le monde est bien content. Ouais. Puis nous, on les rejoue parce qu'on est très complaisants. Et voilà. Et puis, on est complaisants, mais aussi, on aime ça niaiser Maxime le meilleur ami. Tu sais, comme dans ces deux chroniques capsules qu'on va entendre du 1er février et du 1er mars. Lundi à Assemblage requis. On fait plaisir à vos sous-vêtements avec une petite dose de Javelisa dans la chronique de Martin Bertrand. Et parlant de sous-vêtements, un gars qui n'en porte pas, Maxime Le Miller-Amé et son bloc télécharge quoi? Assemblage requis, bobette non incluse, lundi 15h. Ce lundi à Assemblage requis. Ben, puisque c'est le temps des pommes, Mathieu et moi, on vous raconte notre journée passée au verger. Et parlant de verge, on soit Maxime Le Miller-Amé et son blog télécharge quoi? Pauvre Maxime, c'est aujourd'hui la victime de nos plus mauvaises pubs. Soyez-y lundi 15h. Alone, if I imagine you, body next to another, or a new love, and it makes me sad. empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. To fill my time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans through my tears, and know my call despite my faults and despite my growing fears. But your cave, walking on your hands, and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom. To live my life as it's meant to be. Mumford & Sons et la pièce The Cave qui termine cette édition d'Assemblage Requis, édition qui était, ma foi, je dirais, aussi bonne que les 99 précédentes. À peu près, là. À peu près. Toujours très approximatif. C'est ça, c'est un chiffre arrondi, mettons. C'est moins bien. Eh oui. Voilà, donc on se quitte ici. C'est Lucky One qui va rester avec vous, lui, jusqu'à 18h avec son émission La Dernière Porte à Gauche. Est-ce que tu te rappelais que t'avais ça ce soir? Ben oui, j'ai même préparé ça, Mathieu. Ben, voyons donc, comme Assemblage Requis, tu sais. Plein de nouveautés aujourd'hui dans l'émission. Il va y avoir du Vlan Dindan, du Pico Machine et du La Question. Ensuite, après La Dernière Porte à Gauche, où on va tous être là pour l'écouter, évidemment. C'est ce que c'est compliment, je voulais te dire, comme j'écoute ton émission toutes les semaines, là. Ensuite, il y aura En Attendant avec Émilie Adam. Ensuite, à 19h, il y aura Volteface pour du rap. Et à 21h, c'est Psy Théâtre avec de la musique électronique. Je vous rappelle d'écouter l'émission de Simon Fitzbay. On s'appelle On déjeune demain matin à 7h. Et puis, évidemment, le dîner de con. Et puis, tout le reste. Moi, je vais être là à 10h pour CNX.zip demain, c'est vrai. Aussi à 13h pour les palmarès, c'est fou, édition francophone. Et à 15h pour Assemblage Requis. Avec Stéphanie Gagné qui va être avec nous demain. Et nouvelle capsule de Vidon à la question, comme pendant tout le mois de mars. C'est vrai, on a du nouveau matériel de Vidon à la question. Et oui! Ben, bonne soirée, Mathieu. Toi aussi. Je te rappelle que c'est le lancement de la compilation 8 Up ce soir à l'Embuscade. Mangez-la. 8 Up, comme 8, c'est comme eat au passé. On se quitte avec Malajub et Contrôle, la pièce de leur maxi le plus récent. Et puis on se dit, ben, à 100, non sûrement pas 100, à quelques autres émissions d'Assemblage Requis. On lève notre verre. On verra bien. J'ai même pas d'alcool aujourd'hui. Fais pas comme si on levait notre verre. C'est ça, un verre d'air.